Voilà. Alors pour en venir à nos coutumes de Noël, bon, la première des grosses coutumes de Noël, c'était la bûche de Noël. Alors la bûche de Noël, c'était quand même quelque chose de très important, encore au XIXe siècle, et je pense une partie d'ailleurs des premières années de ce siècle qu'on va quitter la semaine prochaine. La bûche de Noël, eh bien la bûche de Noël est principalement dans la région de Planchers. Elle était coupée par le maître de la maison, et il fallait qu'obligatoirement elle fasse entre 2,50 m et 3,50 m de long. Hein. Là pourquoi, l'explication est difficile à expliquer, mais il y a quand même une explication. La bûche, quand elle était coupée, l'homme qui coupait cette grosse bûche se signait d'abord, avant de la couper, parce que c'était très important. Toute cette tradition était autour, bien sûr, de la naissance de l'enfant Jésus, et était autour, si vous voulez, de la suite logique de la religion, hein, de ce qu'on apprenait et comment se tenir aussi dans cette religion. Hein. Il y avait un maintien de l'individu jusqu'au bout. Hein. La bûche était donc ramenée à la maison. La bûche était bien sûr, elle était allumée le soir de Noël. Dans certains endroits, elle était allumée en fin d'après-midi, à la veille de la grande nuit de Noël. Et dans d'autres endroits, c'est pour ça que c'est pas toujours systématiquement exact pour partout, elle était allumée aussi pendant la messe de Noël. Et elle était allumée après le troisième coup d'appel de la messe de Noël. Hein. Et principalement dans le Haut-Morvan, c'est un petit peu comme ça que ça se passait dans notre région de Roux-Plancher, sur le secteur du canton là-haut de Montsauge. Et elle était allumée aussi à nouveau par le chef de famille qui allumait cette bûche. Aussitôt qu'elle était allumée, il faisait une prière sur la bûche. Alors, il y avait tout un cérémonial autour de cette bûche. Il fallait pas s'asseoir sur le bout de la bûche parce qu'on risquait de prendre des furoncles dans l'année, sur le derrière. Ah ben oui, c'est plein de choses comme ça. On retrouvera d'ailleurs quand on fera un petit peu... Voilà, quand on fera une émission sur les superstitions dans le Morvan, on retrouvera un petit peu tout ce style de superstition, hein, parce que c'était quand même aussi très important. Les gens très superstitieux, les Morvans. Ah oui, absolument. Mais c'est les pays de forêt, hein, les pays de forêt profondes, bien souvent... Alors, il y avait toute une tradition qui s'attachait bien sûr à cette bûche. Hein. La bûche, il fallait qu'elle brûle pendant 8 jours, hein, jusqu'au 1er janvier. Hein. Et il fallait surtout pas que le feu s'éteigne. Alors on teillait sans arrêt la braise, de façon à ce que, bah oui, on devait souffler, je vois Raymond qui me fait signe, on devait souffler avec le soufflot, hein, bah bien sûr. Et puis on teillait. Alors là, je vais passer quand même la parole à Morvandio, parce que quand on reprend effectivement notamment l'ouvrage de Jean Drouillet, il nous précise qu'il y avait une observance comment elle brûlait cette bûche. Alors vous savez que quand il y a un feu de bois, moi chez nous à la Fiole, c'est vrai que quand il y a des escarbilles, quand il y a des étincelles, on dit le bois poteille, et c'est pas d'ailleurs tout le bois qui poteille, c'est souvent le sang qui poteille. Le châtaignier aussi, peut-être plus. Et alors, les Morvandiaux observaient effectivement ces fameuses étincelles, parce que plus il y avait d'étincelles, plus il y aurait de gerbes au moment de la moisson dans l'année. Alors, vous voyez, c'était toute une observance. Bon, rigoureusement vérifiable, ça, les historiens ne disent pas si ça a été vérifié, hein. Mais il est bon de le rappeler parce qu'il y avait toujours quand même une observation par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui est important de toujours le rappeler. Alors, il y avait aussi, bien sûr, et là je vais quand même passer la parole à Marthe, parce que je sais qu'elle doit s'en rappeler, on conservait des teillons de cette braise, de cette bûche, quand elle était finie de brûler. Moi, la tradition, il a rien entendu peut-être d'une autre façon. Hein. Il y a tous entendu dire que la bûche de Noël, elle est à couper pour qu'elle brûle pendant le temps de la messe. Dans le Morvan, il y a vous entendu dire ça, moi. Qu'il fallait qu'elle brûle pendant la messe, pour qu'on la retourne du feu quand on la revenait de la messe, pardi, parce qu'il y allait un pied. Hein. Mais alors, les teillons que restaient, ben, il était le teillon bien sûr, il reste aux autres des teillons, parce que ça ne brûle pas tout. Et bon, ben, ma foi, ça, on le conservait, il craint qu'on devait le conserver. Alors, justement, il conservait. Ouais, il conservait le teillon parce qu'il était un souvenir du moment de Noël, quoi. Alors, je pense que, bon, c'était pas du tout partout pareil. Ah, ben sûr, oui, il y a ça. Il y a pour hein, ça, les traditions, elles sont d'une façon. D'un coin, il y a d'une façon, puis dans un coin, il y a une autre. Alors, les teillons qui étaient conservés avaient, bien sûr, un pouvoir. Et il y avait plusieurs pouvoirs. Ah, ben, il était toujours pour les superstitions. Ce teillon, bien sûr, on en cassait des morceaux. On en mettait un morceau dans la ruche pour les abeilles, parce que ça les protégeait. Ouais. On en mettait un morceau aussi dans l'écurie. Et on en gardait surtout un morceau très important qu'on gardait dans la marion et qu'on mettait sur l'âtre de la semenée. et qu'on mettait un petit morceau quand il y avait un orage et que l'orage était très puissant et c'était pour protéger la maison.